Après les remèdes tirés des plantes, voici, du livre 28 au livre 32, les remèdes tirés des animaux. Remède pour les yeux. La cendre de sabot d'âne, appliquée avec du lait d'ânesse entre les tés et les taches des yeux, la moelle de bœuf prise à la jambe droite de devant et pilée avec de la suie est bonne pour les cils, ainsi que pour les maux des paupières et des angles de l'œil. Elle est très efficace pour empêcher de repousser les cils qu'on a arrachés. On fait des collyres avec le fil de taureau et un blanc d'œuf. Pour toutes les affections des yeux, on regarde comme plus efficace le fiel vieux. On ne rejette pas non plus la fiente de chèvre appliquée avec du miel pour les fluxions des yeux, la moelle de chèvre ou le poumon de lièvre pour les douleurs des yeux, le fiel de chèvre avec du vin cuit ou du miel pour les brouillards de la vue. On recommande, contre l'ophtalmie, de frotter les yeux avec de la graisse de loup ou de la moelle de porc. On assure que ceux qui portent dans un bracelet une langue de renard sont à l'abri de l'ophtalmie. La nature des remèdes et la multiplicité des médicaments déjà dits et encore à dire nous obligent à entrer dans quelques détails sur l'art même de la médecine. Je n'ignore pas cependant qu'avant moi, personne n'a traité ce sujet en latin, et que si toute entreprise nouvelle est difficile et d'un succès douteux, cela est vrai surtout pour cette matière, si peu susceptible d'agrément et si laborieuse à exposer. Tous ceux qui sont au fait des choses se demanderont vraisemblablement comment on a pu abandonner, dans la pratique de la médecine, des moyens tout préparés et si convenables. On s'étonnera, on s'indignera qu'aucun art n'ait été plus inconstant et ne soit encore sujet à plus de variations, bien que le plus lucratif de tous. Le fait est que la médecine a commencé par mettre ses inventeurs au rang des dieux et leur donner la consécration du ciel. Il n'est pas douteux que tous ces gens-là, cherchant la vogue par quelques nouveautés, l'achetaient aux dépens de notre vie. De là, ces misérables débats au chevet des malades, personne n'accédant à la vie déjà émise, de peur de paraître subordonné à notre. De là, cette triste inscription sur un tombeau. Le grand nombre de médecins m'a tué. La médecine varie tous les jours, après avoir été tant de fois modifiée. Nous sommes poussés par le vent du charlatanisme grec. Il est évident que le premier d'entre eux qui est habile à pérorer devient aussitôt l'arbitre de notre vie et de notre mort. Comme si des milliers de peuples ne vivaient pas sans médecin, mais non pas, il est vrai, sans médecine. Tel fut le peuple romain pendant plus de 600 ans. Cependant, il n'a jamais été lent à recevoir les arts. Il a même accueilli la médecine avec avidité, jusqu'à ce que, épreuve faite, il l'ait condamnée. C'est ce qu'on peut très bien comprendre d'après M. Caton, personnage à l'autorité duquel le triomphe et la censure n'ont que la moindre part, tant il vaut par lui-même. C'est pourquoi nous rapporterons ses propres paroles. Une fois pour toutes, je vous interdis la médecine. Or Caton, qui écrivait ceci, est mort à l'âge de 85 ans. On ne niera donc pas qu'il ait eu tout loisir, dans la durée de la République ou dans celle de sa propre vie, d'acquérir de l'expérience. Quoi donc ? Penserons-nous qu'il ait condamné une chose si utile ? Non, sans doute, car il décrit les remèdes par lesquels il a procuré à lui et à sa femme une longue vieillesse. Or, ces remèdes sont ceux dont nous traitons. Disons la vérité, la corruption des mœurs n'a pas de cause plus active que la médecine, et elle justifie tous les jours la prédiction de Caton. C'est l'empereur Néron qui a inventé de faire bouillir l'eau, de la mettre dans des flacons de verre et de la faire rafraîchir dans la neige. De cette façon, on a l'agrément de boire frais sans les inconvénients de la neige. Au reste, il est certain que toute eau qui a bouilli est meilleure et, ce qui est une invention très subtile, que l'eau qui a été chauffée se refroidit davantage. Le moyen de corriger de l'eau malsaine est de la faire bouillir jusqu'à la réduction de moitié. Après avoir vanté les mérites des deux sources amenées à Rome avec des aqueducs, Pline conclut. Au reste, depuis longtemps, l'agrément de l'une et de l'autre est perdu pour Rome. La prétention et la cupidité détournent dans les propriétés et les villas de banlieue, ce qui sert à la santé de tous. Et enfin, un conseil d'hydrologie. Souvent, en abattant les bois qui couvraient une colline et qui retenaient les nuages s'en alimentaient, on a vu se former des torrents désastreux. Il est important, pour avoir des eaux, de cultiver et d'ameublir la terre et de briser la croûte de sa couche superficielle.